La baronne, en effet, descendit bientôt le perron et vint se joindre au groupe de la famille. À 55 ans, éprouvée par tant de douleurs, tressaillant sans cesse, comme si elle était saisie d'un frisson de fièvre, Adeline, devenue pâle et ridée, conservait une belle taille, des lignes magnifiques et sa noblesse naturelle. On disait en la voyant, elle a dû être bien belle. Dévorée par le chagrin d'ignorer le sort de son mari, de ne pouvoir lui faire partager dans cette oasis parisienne, dont la retraite et le silence, le bien-être dont sa famille allait jouir, elle offrait la suave majesté des ruines. À chaque lueur d'espoir évanouie, à chaque recherche inutile, Adeline tombait dans des mélancolies noires qui désespéraient ses enfants. La baronne, partie le matin avec une espérance, était impatiemment attendue. Un intendant général, l'obligé de Hulot, à qui ce fonctionnaire devait sa fortune administrative, disait avoir aperçu le baron dans une loge, au théâtre de l'Ambigu-Comique, avec une femme d'une beauté splendide. Adeline était allée chez le baron Vernier. Ce haut fonctionnaire, tout en affirmant avoir vu son vieux protecteur, et prétendant que sa manière d'être avec cette femme pendant la représentation accusait un mariage clandestin, venait de dire à Madame Hulot que son mari, pour éviter de le rencontrer, était sorti bien avant la fin du spectacle. Il était comme un homme en famille, et sa mise annonçait une gêne cachée, ajouta-t-il en terminant.